Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le pacte Briand-Kellogg. Pour la première fois à la face du monde, dans un acte solennel engageant l'honneur de grandes nations, ayant toutes derrière elles un lourd passé de lutte politique, la guerre est répudiée sans réserve en tant qu'instrument de politique nationale, c'est-à-dire dans sa forme la plus spécifique et la plus redoutable, la guerre égoïste et volontaire. Ces mots que vous venez d'entendre sont ceux d'Aristide Briand, et c'est avec ces mots repris dans ce film d'actualité de la British Pathé au moment de sa mort en 1932 qu'Aristide Briand va résumer l'esprit du célèbre pacte dont il est l'un des deux principaux instigateurs, le pacte Briand-Kellogg. C'est le 27 août 1928 qu'est signé ce pacte général de renonciation à la guerre. Il faut dire que l'Europe de 1928 ne s'est pas encore remise de l'horreur qu'a été la Grande Guerre de 1914-1918 et que le pacte Briand-Kellogg correspond tout à fait à l'esprit du temps qu'on pourrait résumer par cette simple formule « Plus jamais la guerre ». Lorsqu'arrive l'heure des commémorations, le sentiment pacifiste nous submerge. Tout plutôt que la guerre. Plus jamais ça. Cette idée emporte tout sur son passage. Les jours de cérémonie sont déchirants. Devant les milliers de monuments aux morts qui ont poussé sur les places des villes, des femmes en noir se serrent les unes contre les autres. Toutes, derrière leur voile, ont épousé la mort. Les actualités déboulent dans les salles de ciné. Les corps mutilés et les gueules cassées se mettent à défiler sur les écrans. C'est le vrai musée des horreurs. Et ça nous hante. Tous, on porte une hécatombe à l'intérieur, à la place du cœur. Qui peut oublier ? Qui peut oublier les traumatisés à vie, les victimes de l'obusite, ceux qui, après avoir échappé à la noyade, sombrent chaque nuit dans leur cauchemar, flottant entre panique et terreur ? Cet extrait du documentaire 14-18, Le bruit et la fureur, présenté à la télé française en 2008, montre bien l'état d'esprit dans lequel se trouve l'Europe de l'entre-deux-guerres. Cette Europe prête à tout pour éviter un nouveau conflit et où se signera un pacte général de renonciation à la guerre, le pacte Briand-Kellogg. Pour nous parler de ce pacte, de cette Europe également, je reçois le professeur d'histoire à l'Université de Montréal, Carl Bouchard, un habitué de l'émission. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça semble un peu invraisemblable, l'idée d'un pacte général de renonciation à la guerre, mais ça s'est signé, ce pacte-là, dans cette Europe de l'entre-deux-guerres, oui. Le pacte Briand-Kellogg, avec le recul. Qu'est-ce qui reste de ça? Mais qu'est-ce que ça symbolise, ce pacte-là, cette idée un peu folle? Oui. Bien, dans la mémoire collective, c'est... Louable, mais folle. Oui, là, tout à fait. Dans la mémoire collective, c'est avec le traité de Versailles peut-être l'un des moments de l'entre-deux-guerres qui est le plus conspué. Le traité de Versailles, c'était la paix bâclée. Le pacte Briand-Kellogg, c'est l'illusion de la paix. Les gens qui croyaient naïvement qu'on pouvait mettre un terme à la guerre. Regardez ce qui se passe. Quelques années plus tard, on a une deuxième guerre mondiale. Donc, c'est clair qu'à court terme, les effets du pacte Briand-Kellogg sont absolument pas concluants. Après, quand on a un regard historique, on essaie de prendre un peu de recul sur les événements, on s'aperçoit qu'à long terme, ce pacte a quand même une influence assez positive, ouais, qui va de Nuremberg jusqu'à aujourd'hui. Ça a changé, ne serait-ce que sur le... Il y a eu un impact réel sur le droit, non pas sur la pratique de la guerre, quoique, mais sur, ouais, la façon dont on va juger la pratique, exactement, de la guerre. C'est le droit international. Voilà, exactement. C'est sur le droit international, sur une norme qui est la capacité des États aussi à faire des guerres, et pas n'importe quel type de guerre, les guerres d'agression. On verra en détail tout à l'heure de quoi on parle. Oui. Comment on en arrive donc à la signature de ce pacte de Briand-Kellogg? Quel contexte va conduire à la signature de ce pacte? On en parle dans un instant, mais on écoute d'abord un extrait de l'émission française « Le journal du siècle » diffusé en 1985. La conférence de Locarno en 25 sur le lac Majeur n'était donc pas mineure. C'était la négociation la plus importante depuis Versailles. Demandé par l'Allemagne, Locarno a réuni des participants, Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Allemagne, France, animés de volontés différentes. Cependant, tous ont signé le traité de sécurité, de garantie mutuelle, plus Pologne et Tchécoslovaquie, car l'Europe reste traumatisée par le cataclysme de la Grande Guerre. L'Allemagne reconnaît les frontières imposées à Versailles, mais Stresemann, que voici, exige l'entrée de Berlin à la SDN car, dit-il, restaurer la grandeur de l'Allemagne, c'est la première condition d'une paix durable. Les négociateurs allemands sont contents. Berlin recouvre la pleine souveraineté grâce à Briand, que voici arrivant, le patron moral de Locarno. Briand qui a ouvert les portes de Genève à Berlin. Berlin gagnant de l'affaire, soyons lucides, mais voilà bien l'apaisement, la fin de la politique de sanctions. Comment on en arrive à la signature de ce pacte Briand-Kellogg? Il y a différentes étapes. Il y a un état d'esprit général, on l'a un peu évoqué, cette volonté de ne plus jamais faire la guerre. Puis il y a des étapes concrètes. Locarno, c'est une de ces étapes. Oui, absolument. On a souvent, quand on regarde l'entre-deux-guerres, on distingue un peu dans les années 20 deux périodes. Il y a celle de l'après-guerre qui va aller jusqu'à peu près 1924 et après cette période de détente qui va de 24 jusqu'à la crise de 29. Et le pacte Briand-Kellogg, c'est un peu l'apothéose de cette période de détente. En fait, ce qui se passe... après la Première Guerre mondiale, c'est une période de très, très haute tension qui suite au traité de Versailles. Les Français vont, par exemple, adopter ce qu'on appelle la politique d'exécution. Alors, il faut vraiment être très sévère sur le traité de Versailles. Les Allemands doivent respecter toutes les conditions. Ils doivent payer. Ouais. Ce qui va mener, par exemple, à l'occupation d'une région allemande, la Ruhr, par la France en 1923, ce qui va complètement déstabiliser l'économie allemande et arriver à un point presque de rupture de nouveau en 1923 et en 24, les États vont commencer à se reprendre en main, notamment les Britanniques, les Américains, qui vont dire, écoutez, on doit faire quelque chose. Ça mène à des négociations. La fin de l'occupation de la Ruhr, un premier plan pour essayer de repenser les réparations de guerre que l'Allemagne doit payer, ce sera le plan d'Oz. Et par la suite, eh bien, une prise de conscience des hommes politiques qu'il faut commencer à travailler maintenant ensemble plutôt que simplement vivre sur les traces de l'après-guerre. Et donc, les accords de Locarno, c'est exactement l'effet premier de cette entente, c'est-à-dire l'Allemagne va reconnaître, par exemple, ses frontières occidentales qui sont liées au traité de Versailles. Les Français, en contrepartie, vont lui redonner ce qu'on peut considérer comme une identité internationale, puisqu'on va permettre à l'Allemagne d'entrer dans la Société des Nations. Et c'est la France qui va parrainer l'entrée de l'Allemagne dans la SDN. Mm-hmm. C'est un signe probant que les deux États se retrouvent. Dans ce contexte-là aussi, la Société des Nations reprend ou gagne en légitimité. À partir de 1924, les hommes politiques courent à l'Assemblée générale de la SDN. Ça devient un lieu où on peut discuter, où on doit parler. Donc, il y a vraiment une atmosphère qui mène à des réflexions plus profondes sur la façon dont on pourrait régler définitivement les guerres. Pour que la paix soit durable, il faut qu'elle soit viable et acceptable. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Puis comment faire pour qu'elle soit éternelle? Ça nous amènera à ce pacte Briand-Kellogg. Deux joueurs essentiellement dans la négociation de ce pacte, la France, les États-Unis. C'est les deux pays qui sont à l'origine du pacte. Du côté américain, il y a une figure intéressante, celle de James Shotwell. Dites-nous en quoi, d'abord, qui il est, James Shotwell, et en quoi il est important dans l'histoire du pacte de Briand-Kellogg. Mais c'est une figure peu connue et pourtant on devrait peut-être en parler davantage. C'est un Canadien de naissance, professeur d'histoire encore plus à l'Université Columbia. Columbia devient, au début du 20e siècle, puis surtout durant l'entre-deux-guerres, un genre de noyau d'internationalistes. Beaucoup de professeurs, James Shotwell, Nicolas Murray Butler qui va obtenir le prix Nobel, James Scott Brown, vont travailler auprès du gouvernement américain, mais aussi faire beaucoup de lobby au niveau international pour essayer de convaincre les États d'améliorer la situation internationale, de favoriser le droit international. Et Shotwell va être à l'avant-plan, par exemple, pour des accords dans les années 1923, un protocole qui va échouer, mais le protocole de Genève en 1924. Et par la suite, va souffler, au ministre des Affaires étrangères français, qu'il connaît bien, le projet d'un pacte de renonciation à la guerre. Ouais. Et donc, ce sont des idées qui cheminent depuis quelques années dans les deux pays et un peu partout dans le monde occidental, mais c'est véritablement, là, dans ce cas-ci, les internationalistes américains qui sont la cheville ouvrière de ce projet. Donc, c'est Shotwell. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est vraiment le travail de coulisses qui suggère à Aristide Briand de mettre sur pied cette négociation, au fond, de parler aux Américain. C'est un Américain qui dit « faites donc signe ». Exactement. Et puis, on va aller chercher aussi une partie de l'opinion publique américaine, tout un courant, par exemple, autour de Salmon Levinson et puis de Bowman qui prononce, en fait, qui essaie depuis quelques années de mettre sur la place publique l'idée de rendre la guerre hors la loi, illégale. Ouais. Un petit mot sur les deux principaux protagonistes, ceux qui ont donné leur nom au pacte, Briand-Kellogg. Le Français Aristide Briand, l'Américain Frank Kellogg. Qui sont-ils? Où ils en sont aussi, Carl Bouchard dans leur carrière au moment de cette négociation du pacte Briand-Kellogg? Quelques mots sur Kellogg, peut-être. Bon, c'est un républicain. Il est à ce moment-là secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, sous Coolidge. Pas particulièrement internationaliste. Hein. On est dans la foulée là, de la tendance américaine à l'isolationnisme. Les Américains participent quand même aux affaires internationales, notamment à travers les conférences navales, mais ne sont pas dans la Société des Nations. Et puis, de l'autre côté, ben, on a l'internationaliste ultime, qui est Aristide Briand, qui est un homme politique qui a joué, qui est un peu moins connu maintenant aujourd'hui, qui pourtant a joué un rôle fondamental depuis le début du 20e siècle dans la politique française. Il a été de multiples fois ministre. Il a été ministre des Affaires étrangères, notamment sous la guerre. Bon, dans le contexte de la Troisième République française, où les gouvernements tombent en permanence, il est, je ne sais pas, 25 fois ministre durant cette période. Briand est déjà très connu. C'est lui qui a justement été à l'avant-plan pour les accords de Locarno. C'est quelqu'un qui est particulièrement actif au niveau international. Comment il est reçu quand il approche les Américains, quand il approche Kellogg, et qu'il suit donc le conseil de l'Américain Chantwell? Comment les États-Unis, comment Kellogg reçoivent cet appel de phare d'Aristide Briand qui dit « Faisons donc un pacte pour éliminer la guerre ». Tout à fait. C'est véritablement un appel de phare aussi, parce que ça se passe en avril 1927, et c'est en fait une lettre publiée dans les médias de Briand qui dit « Écoutez, on devrait faire un pacte bilatéral pour que les Américains et les Français renoncent mutuellement à la guerre ». Les Américains voient ce texte-là, se disent vous savez, il n'y a pas beaucoup de chances que la France et l'Amérique entrent en guerre. Ce sont des républiques sœurs qui combattent ensemble depuis la Révolution américaine. Pour eux, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, en fait, à cette question. L'autre problème, c'est d'une part un peu un désintérêt, puis de l'autre part, une crainte. En disant, si on fait ça, est-ce que les Français ne sont pas en train d'essayer de nous embrigader dans leurs alliances, dans leurs réseaux, dans leur politique sécuritaire, et ce qui poussera éventuellement les Américains à intervenir au nom de ce pacte. Donc, dans un premier temps, durant l'été 1927, on est plutôt sceptique quant à l'opportunité de signer un tel document. Mais Kellogg, en fait, va finir par se rendre compte. Le problème de la proposition d'Aristide Briand, c'est qu'elle est bilatérale. Exactement. Donc, si on ouvre sur d'autres pays, là, il y a quelque chose. C'est là tout le jeu, en fait. C'est que pour Kellogg et son équipe, c'est la meilleure stratégie à adopter, c'est-à-dire de contourner la proposition française et de l'élargir et d'en faire une proposition universelle. Et donc, fin 1927, Kellogg dit à Briand, oui, on est prêt à signer un tel pacte, mais il faut l'ouvrir à tout le monde. Ce qui fait que les États-Unis ne sont plus dans ce contexte-là, lié à la France exclusivement. Ça devient un pacte général, donc plus moral et à portée universelle. Mais ça reste quand même l'idée de négocier un pacte international qui rend, en gros, la guerre illégale. la commande est grosse, est ambitieuse. Comment ça va se traduire dans les négociations? Comment vont se dérouler ces négociations-là? En fait, à partir de ce moment-là, il y a un jeu de va-et-vient pour déterminer la bonne position. Bon, quand les Américains proposent le pacte universel, ce sont les Français qui tout à coup recule en disant, ça c'est moins intéressant, les Américains ne sont pas dans la Société des Nations, ça pose des problèmes plus généraux d'organisation. La France est elle aussi liée avec plein d'États dans des ententes mutuelles, notamment ce qu'on appelle la petite entente, les pays des Balkans et d'Europe centrale et orientale. Est-ce que ça va remettre en question leur jeu? Et puis d'autre part, le pacte de renonciation à la guerre pour la France pose un problème aussi d'encadrage. Est-ce que ce sont toutes les guerres que les États-Unis veulent condamner, mais la France reconnaît qu'il est possible de faire la guerre, par exemple, si on est attaqué par l'Allemagne, on a le droit de se défendre. Donc, toutes les guerres ne sont pas condamnables. Alors, à partir de ce moment-là, on va se mettre à négocier pour en arriver à un pacte qui va satisfaire tous les partis et qui va asseoir cette idée d'une renonciation à la guerre. Il est signé, de fait, le 27 août 1928, ce pacte-là. Qu'est-ce qu'il prévoit précisément? C'est un pacte qui est incroyablement court. Il y a trois articles seulement. Le troisième est un article purement technique sur le système de ratification. Et en fait, il n'y a que deux articles intéressants. On va les lire, ils sont très, très courts. Article premier, les hautes parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. Article 2, les hautes parties contractantes reconnaissent que le règlement de tous les différends au conflit, de quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques. Alors, rien d'autre que deux points. Et puis un troisième point, donc, effectivement, plus technique. Est-ce que ça... signifie qu'on vient de rendre illégal toutes les guerres. Je reviens à cette préoccupation que la France avait, entre autres. Oui, tout à fait. Alors, on va effectivement jouer sur les mots. Donc, l'entente, c'est de dire les États acceptent donc de ne plus considérer la guerre comme un moyen de règlement des différends. Par ailleurs, la guerre d'agression, qui est indiquée ici comme instrument de politique nationale, c'est ce qu'on veut dire par instrument de politique nationale, elle est condamnée. Donc, on annonce qu'on renonce à cette guerre d'agression, c'est donc dire une guerre de conquête territoriale à laquelle on renonce, parce qu'elle est contraire à l'esprit du droit international. Par ailleurs, toute guerre n'est pas considérée comme hors la loi. Donc, une guerre de légitime défense est encore possible. Et puis, une guerre aussi au nom de l'organisation internationale. Ça fait partie du pacte de la SDN. Les États peuvent entrer en guerre collectivement pour se protéger. C'est tout le principe qu'on va appeler la sécurité collective. Ouais. Il y a 63 pays. Donc, c'est court, relativement simple. Ça laisse de la marge, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que 63 pays vont ratifier le pacte Briand-Kellogg. 5 pays seulement à l'époque ne vont pas le ratifier. Comment expliquer une aussi grande adhésion à un pacte qui, oui, laisse de la marge, mais qui quand même, Karl Bouchard, implique que les pays signataires renoncent à une part importante de leur souveraineté nationale. Ouais. Là-dessus, on peut répondre deux choses. D'une part, les plus réalistes en histoire des relations internationales diront que si on signe un pacte à 63, c'est parce qu'il n'est pas contraignant. Ouais. Et puis, en fait, c'est une position qui se tient. Et c'est la position aussi des hommes politiques qui le rédigent. C'est-à-dire, si on veut qu'il soit universel, il faut que tout le monde l'accepte. Il faut que ce soit un compromis. Et on sait, dans le contexte de l'entre-deux-guerres, qu'on ne peut pas remettre en cause véritablement la souveraineté nationale. Et une façon de ne pas remettre en cause la souveraineté nationale, c'est de n'avoir aucun système de contraintes. Donc, les États y renoncent. C'est donc un engagement solennel. C'est un engagement moral. Mais si jamais un État commet un acte d'agression, eh bien, il n'y a pas de mouvement collectif contre lui, par exemple, qui peut se mettre en place au nom de ce pacte. Donc, ce qui fait que le pacte, malgré tout, est davantage une prise de position morale, un acte, un serment, plutôt qu'une contrainte. Et la réalité va vite rattraper les signataires du pacte, qui va être enfreint très, très vite par certains de ses signataires. Est-ce à dire qu'il aura été complètement inutile, ce pacte-là? Oui, bien, c'est la question qu'on pourra se poser, effectivement. C'est sûr que quand on regarde les années qui suivent, eh bien on se dit, mon Dieu, ça n'a vraiment pas marché. Quelques années plus tard, le Japon envahit la Mandchourie. L'Italie va envahir l'Éthiopie. C'est après ça la valse vers la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est clair que dans un premier temps, ce pacte-là n'a pas, certainement pas l'effet désiré. Cela dit, j'ai parlé tout à l'heure des réalistes. Les plus constructivistes en relations internationales diront que en posant un tel geste, même s'il n'est pas contraignant, on est quand même en train de dire que les choses ont changé et que notre rapport à la guerre est différent. Et ce rapport à la guerre, il a changé dans le contexte de la Première Guerre mondiale. De plus en plus de gens ont cessé ou en fait considèrent que la guerre n'est plus un acte légitime. Mmh. Et donc, le pacte, c'est aussi une réponse à une perception qui s'ancre de plus en plus dans la population que la guerre n'est plus un moyen d'agir. Et la façon dont sera évaluée, jugée la guerre sur le plan légal, en droit international, change parce que le pacte a été signé, il y a des pays qui l'ont signé. Oui. Et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le premier exemple, un très, très bel exemple de l'utilité qu'aura le pacte Briand-Kellogg, c'est le procès de Nuremberg en 1946. Ouais. On écoute un extrait de l'émission Les Grandes Batailles, diffusé en 1974. À la fin de l'extrait, vous allez entendre le procureur général Charles Gerthofer, membre de la délégation française au procès de Nuremberg. Deuxième chef d'accusation, crime contre la paix. C'est lui, Ribbentrop, qu'Hitler avait chargé de déchirer les traités. Des chiffons de papier, disait-il. Pendant 2 mois, le tribunal refait cartes à l'appui l'historique de cette longue suite de coups de force, d'annexion, d'agression contre des pays neutres, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Norvège, le Danemark, la Hollande, la Belgique. Où est le crime, répondent les accusés. La guerre, c'est la guerre. Pour eux, ils avaient pris la position que l'on avait beaucoup en Allemagne, c'est-à-dire que la guerre est une entreprise quelconque. Avec mon Dieu, on a fait la guerre, eh bien, les autres aussi ont fait la guerre. Mais le caractère d'agression, le caractère d'annexion de pays qui ne veulent pas de cette annexion, leur échappe complètement. De quelle manière? C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. C'est, encore une fois, le procès de Nuremberg, peut-être la première fois qu'on va utiliser de cette manière-là le pacte Briand-Kellogg. De quelle manière ce pacte-là va justement être utilisé à Nuremberg? Bien, tout à fait. Donc, on va, dès les réquisitoires, dès le départ, on va commencer justement, on va évoquer le pacte de Briand-Kellogg en disant l'Allemagne a rompu son serment, son engagement moral de ne pas faire la guerre. Elle a fait une guerre d'agression et ça doit compter dans le contexte de la justice internationale. C'est une rupture avec le droit international, c'est une rupture avec des normes. Donc, tout de suite, on évoque cette question-là. Donc, quand on regarde les effets du procès de Nuremberg, il y a évidemment toute la question des crimes contre l'humanité, du génocide, qui sont évoqués pour la première fois dans le contexte des choses. Mais on peut rappeler également que le pacte Briand-Kellogg est souvent cité comme étant un des jalons du droit international, un jalon du droit international que l'Allemagne a violé. Cette guerre était illégale. Elle était illégale. Et vous aviez signé un protocole où vous engagiez à ne pas faire ce genre de guerre. Exactement. Ouais. Exactement. Et ça va rester, au fond. Il y aura le droit international, donc, qui tiendra en compte l'esprit de Briand-Kellogg, mais plus largement, avec le recul, Karl Bouchard, on peut voir que c'est pas un échec complètement. En tout cas, ça a transformé les choses. Quel impact il a eu à plus long terme, le pacte Briand-Kellogg? Mais la première chose qu'on doit dire, et ça, c'est peut-être... moi, je sais qu'en préparant l'émission, ça a été une des prises de conscience qui m'a beaucoup frappé, c'est que le pacte est toujours en vigueur. Il n'est pas... personne n'y a renoncé. Il a une durée illimitée parce qu'il n'a pas été signé dans le contexte d'une organisation internationale, comme par exemple la SDN. Plusieurs membres n'étaient pas membres. Plusieurs États n'étaient pas membres de la SDN. Donc, il dure toujours. Alors, c'est déjà une chose. Deuxièmement, quand on regarde l'histoire des relations internationales, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de guerres interétatiques. Alors, il y a plusieurs causes, évidemment. On peut donner plein de raisons. Mais une des raisons, c'est que la guerre d'agression, la guerre de conquête territoriale n'est plus légitime auprès de ce qu'on appelait à l'époque, au début du siècle, l'opinion publique mondiale, qui veut dire, en fait, la somme des opinions publiques des États. On ne peut plus faire ça. Et quand on le fait, exemple 2014, lorsque la Russie envahit la Crimée, lorsqu'on le fait, eh bien, on est tout de suite conspué sur la place publique, sur la scène internationale. C'est un geste qui est désormais absolument illégitime. Avant 1928, toute conquête territoriale pouvait être critiquée, pouvait être dénoncée, mais elle était d'emblée légale. Donc, si on conquérir un territoire, ça voulait dire en faire le sien. Et à partir du moment où ce territoire était conquis, il était nôtre. Il était reconnu comme tel par la communauté internationale. Exactement. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui est pour plus le cas revenir depuis à l'exemple 1928. De 2014, il y a très peu de pays qui ont reconnu cette annexion. Exactement. C'est une minorité de pays, souvent très satellitaires, dans la zone d'influence russe. Mais sinon, on le condamne. Ça ne veut pas dire pour autant que la Russie sort de la Crimée, mais ça veut dire que ce geste-là reste encore un geste condamné. Et les États, ils pensent à deux fois, parce que l'opinion publique a son importance, l'opinion publique intérieure et extérieure en politique étrangère. Karl Bouchard, c'était fascinant. Professeur d'histoire à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.